Nombre chapitre 3. Or ce sont ici les générations d'Aaron et de Moïse, autant que l'Éternel parla à Moïse, sur la montagne de Sinaï. Et ce sont ici les noms des enfants d'Aaron, Nadab, qui était l'aîné, Abihu, Éléazar, et Ithamar. Ce sont là les noms des enfants d'Aaron, sacrificateurs, qui furent oints et consacrés pour exercer la sacrificature. Mais Nadab et Abihu moururent en la présence de l'Éternel, quand ils offrirent un feu étranger devant l'Éternel au désert de Sinaï, et ils n'eurent point d'enfants, mais Éléazar et Ithamar, exercèrent la sacrificature en la présence d'Aaron, leur père. Et l'Éternel parla à Moïse, en disant, « Fais approcher la tribu de Lévi, et fais qu'elle se tienne devant Aaron, sacrificateur, afin qu'ils le servent, et qu'ils aient la charge de ce qu'il leur ordonnera de garder, et de ce que toute l'assemblée leur ordonnera de garder, devant le tabernacle d'assignation, en faisant le service du tabernacle, et qu'ils gardent tous les ustensiles du tabernacle d'assignation, et ce qui leur sera donné en charge par les enfants d'Israël, pour faire le service du tabernacle. Ainsi tu donneras les Lévites à Aaron et à ses fils, ils lui sont absolument donnés d'entre les enfants d'Israël. Tu donneras donc la surintendance à Aaron et à ses fils, et ils exerceront leur sacrificature. Que si quelque étranger en approche, on le fera mourir. » Et l'Éternel parla à Moïse, en disant, « Voici, j'ai pris les Lévites d'entre les enfants d'Israël, au lieu de tout premier-né qui ouvre la matrice entre les enfants d'Israël, c'est pourquoi les Lévites seront à moi. Car tout premier-né m'appartient, depuis que je frappai tout premier-né au pays d'Égypte, je me suis sanctifié tout premier-né en Israël, depuis les hommes jusqu'aux bêtes, ils seront à moi, je suis l'Éternel. » L'Éternel parla aussi à Moïse, au désert de Sinaï, en disant, « Dénombre les enfants de Lévi par les maisons de leur père et par leur famille, en comptant tout mâle depuis l'âge d'un mois et au-dessus. » Moïse donc les dénombra selon le commandement de l'Éternel, ainsi qu'il lui avait été commandé. Or ce sont ici les fils de Lévi selon leur nom, Gerson, Kehat, et Merari. Et ce sont ici les noms des fils de Gerson, selon leur famille, Libni et Simi. Et les fils de Kehat, selon leur famille, Amram, Jitchar, Hébron et Uziel. Et les fils de Merari, selon leur famille, Mali et Musi. Ce sont là les familles de Lévi, selon les maisons de leur père. De Gerson est sortie la famille des Libnites, la famille des Simites, ce sont les familles des Gersonites. Desquels ceux dont on fit le dénombrement, après le compte qui fut fait de tous les mâles depuis l'âge d'un mois et au-dessus, furent au nombre de 7500. Les familles des Gersonites camperont derrière le tabernacle, à l'occident. Et Eliasaph, fils de Laël, sera le chef de la maison des pères des Gersonites. Et les enfants de Gerson auront en charge, au tabernacle d'assignation, la tente, le tabernacle, sa couverture, la tapisserie de l'entrée du tabernacle d'assignation, et les courtines du parvis, avec la tapisserie de l'entrée du parvis, qui servent pour le pavillon et pour l'autel tout autour, et son cordage pour tout son service. Et de Kehat est sortie la famille des Amramites, la famille des Jitcharites, la famille des Hébronites et la famille des Uzielites, ce furent là les familles des Kehatites, dont tous les mâles, depuis l'âge d'un mois, et au-dessus, furent au nombre de 8600, ayant la charge du sanctuaire. Les familles des enfants de Kehat, camperont du côté du tabernacle, vers le midi. Et Elitsaphan, fils d'Uziel, sera le chef de la maison des pères des familles des Kehatites. Et ils auront en charge l'arche, la table, le chandelier, les autels, et les ustensiles du sanctuaire avec lesquels on fait le service, et la tapisserie avec tout ce qui y sert. Et le chef des Lévites sera Éléazar, fils d'Aaron, sacrificateur, qui aura la surintendance sur ceux qui auront la charge du sanctuaire. Et de Merari est sortie la famille des Malites et la famille des Musites, ce furent là les familles de Merari, desquels ceux dont on fit le dénombrement, après le compte qui fut fait de tous les mâles depuis l'âge d'un mois et au-dessus, furent 6200. Et Tsuriel, fils d'Abiaïl, sera le chef de la maison des pères des familles des Mérarites, ils camperont du côté du tabernacle vers l'Aquilon. Et on donnera aux enfants de Merari, la charge des aides du tabernacle, de ses barres, de ses piliers, de ses soubassements et de tous ses ustensiles, avec tout ce qui y sert. Et des piliers du parvis tout autour, avec leurs soubassements, leurs pieux, et leurs cordes. Et Moïse, et Aaron et ses fils, ayant la charge du sanctuaire pour la garde des enfants d'Israël, camperont devant le tabernacle d'assignation, vers l'Orient. Que si quelque étranger en approche, on le fera mourir. Tous ceux des Lévites dont on fit le dénombrement, lesquels Moïse et Aaron comptèrent par leur famille, suivant le commandement de l'Éternel, tous les mâles de l'âge d'un mois et au-dessus, furent de 22 000. Et l'Éternel dit à Moïse, fais le dénombrement de tous les premiers-nés mâles des enfants d'Israël, depuis l'âge d'un mois et au-dessus, élève le compte de leur nom. Et tu prendras pour moi, je suis l'Éternel, les Lévites, au lieu de tous les premiers-nés, qui sont entre les enfants d'Israël, tu prendras aussi les bêtes des Lévites, au lieu de tous les premiers-nés des bêtes des enfants d'Israël. Moïse donc dénombra, comme l'Éternel lui avait commandé, tous les premiers-nés qui étaient entre les enfants d'Israël. Et tous les premiers-nés des mâles, le compte des noms étant fait depuis l'âge d'un mois et au-dessus, selon qu'ils furent dénombrés, furent 22 273. Et l'Éternel parla à Moïse, en disant, prends les Lévites, au lieu de tous les premiers-nés, qui sont entre les enfants d'Israël, et les bêtes des Lévites, au lieu de leurs bêtes, et les Lévites seront à moi. Je suis l'Éternel. Et quant à ce qu'il faudra racheter, des premiers-nés des enfants d'Israël, qui sont 273 plus que les Lévites. Tu prendras 5 cycles par tête, tu les prendras selon le cycle du sanctuaire, le cycle est de 20 obols. Et tu donneras à Aaron et à ses fils, l'argent de ceux qui auront été rachetés, passant le nombre des Lévites. Moïse donc prit l'argent du rachat de ceux qui étaient de plus, outre ceux qui avaient été rachetés par l'échange des Lévites. Et il reçut l'argent des premiers-nés des enfants d'Israël, qui fut 1 365 cycles, selon le cycle du sanctuaire. Et Moïse donna l'argent des rachetés à Aaron et à ses fils, selon le commandement de l'Éternel, ainsi que l'Éternel le lui avait commandé.